Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule, tandis que les cornemuses de je ne sais quelle association nantaise sont en train de nous rejoindre. Aloïs, merci encore une fois. C'est un podcast qu'on te doit, tu l'as organisé pour nous. Donc c'est le deuxième podcast que tu nous organise sur Nantes comme ça, et aujourd'hui c'est avec les organisateurs. C'est pas le dernier, j'espère. Non, j'espère. Et aujourd'hui c'est avec les organisateurs des Utopiales. Alors c'est un podcast qui a un goût de on reprend les mêmes et on recommence, puisque Sam est à nouveau parmi nous, puisque tu es aussi un organisateur des Utopiales, un bénévole. C'est ça, un bénévole. Voilà. Ben, rebonjour. Avec nous également Cohen. Tu vois, entre-temps, j'ai quand même réussi à oublier ton pseudo. Hein. Oui. Costaud. C'est avec, pas grave. Avec nous aussi, Corentin. Bonjour à tous. Et Adélaïde. Non pas Adeline. Bonjour. Voilà. Adélaïde, bonjour. Et donc, aujourd'hui, on va s'interroger sur la place. Ah oui, oh pardon, excuse-moi, Tom, je t'ai oublié. Bien sûr, Thomas Poussou est avec moi, mon éternel contradicteur. Bonjour. Il est venu avec moi, hein, à Nantes. Et aujourd'hui, on va se poser cette question. Quelle est la place du jeu dans la... Du jeu de rôle dans, j'allais dire, la convention des Utopiales, mais ce n'est pas une convention, Corentin. Qu'est-ce que c'est que les Utopiales ? Ce n'est pas tout à fait une convention, pas du tout même. C'est un festival de science-fiction donc, qui a lieu à Nantes depuis maintenant... une douzaine d'années au moins. Ouais. On dit qu'il tire ses origines en 98 par quelque chose qui serait passé au Futuroscope ou je sais pas quoi. C'est un des premiers rassemblements et qu'après il aurait migré vers Nantes. Peut-être, je sais pas, une légende urbaine, j'en sais rien. D'accord. Non, moi ça fait 4-5 ans que j'y suis. D'accord. Donc je sais pas ce qui s'est passé trop avant. Dans les je connais quelqu'un qui sait. Quelle différence vous feriez entre une convention et un salon ? C'est quoi le... c'est pas une couf. C'est plus gros, il y a plus de personnes. Vous en avez aucune idée. Très bien. Question suivante. pour les Utopiales. Je ne sais pas pourquoi un festival c'est plus grand. Mais on reste. On a parlé du jeu de rôle, mais c'est vraiment de la science-fiction au sens général. Donc on a de la littérature, du cinéma, on a des tables rondes scientifiques, on a des illustrations, des auteurs, etc. Ouais. Sur tous les médias, en fait. C'est énorme, les Utopiales. C'est énorme. J'ai même laissé dire que c'était un des plus gros festivals de science-fiction d'Europe. Est-ce du monde. C'est vrai du Peut-être monde même. C'est Aloïs. Le festival international de science-fiction. C'est écrit dessus. Excuse-moi, Aloïs, mais je sais que tu es chauvin nantais. Donc, c'est faux. Voilà, je préfère le dire à nos auditeurs qu'ils sachent la source de cette information. Je suis qu'un Nantais d'adoption. D'accord, mais enfin bon. Non, mais je confirme, il est vraiment international. Ouais. Cette année, il y avait quand même Glenn Cook, il y avait Greg Brodmann, celui qui a fait l'affiche, qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc Glenn Cook, qui venait des États-Unis, je crois que c'était la seule fois qu'il était venu en Europe. Ouais. Qui se déplace pour Utopiales, c'est parce qu'visiblement, il a peur de l'avion. Enfin voilà, il y a quand même une vraie dimension internationale. C'est pas juste on invite des gens de Belgique. Hein. Le troll commence. Non, c'est un vrai festival international. Il y a pas l'introduction. Donc on salue tous nos amis belges au passage. Merci Cohen, tu nous as taillé un sacré costard en Belgique. On en a plein des potes belges. Fais gaffe à ce que tu dis. Donc comment ça s'est passé pour le jeu de rôle cette année aux Utop? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu des auteurs de jeux de rôle à se déplacer? Effectivement, on a eu 3 éditeurs cette année, dont des auteurs. Mmh. On a eu donc Sans Détour, comme je dirais tous les ans, les habitués. Donc Sans Détour, ouais. On a également eu le département des sombres projets, donc avec les auteurs de Westland. D'accord. Et les auteurs également, quelques auteurs et illustrateurs des Ombres d'Estérène. D'accord. Qui sont venus dédicacer. D'accord, ok. Il y a une... Pardon, excuse-moi. En fait, il y avait aussi d'autres auteurs de jeux de rôle qui étaient là, mais qui n'étaient pas là spécialement pour le jeu de rôle. Donc, en fait, ils font aussi de la science-fiction à côté. Donc, il y avait Mathieu Gabory, il y avait aussi, je ne sais plus exactement son nom, qui a participé à... qui est le principal auteur sur le livre Abîme, qui est sorti il y a quelques années. Je ne me souviens plus de son nom. En plus, j'ai une dédicace de lui, Marsan. À moi. Oui, voilà, je crois que c'est ça, oui. Mm. Et donc il y en avait quelques-uns des auteurs, après je n'ai pas tout suivi la liste, parce qu'il y a énormément d'auteurs de littérature. D'accord. C'est quand même le principal sujet à la base des Utopias, c'est quand même assez orienté littérature de science-fiction quand même. Ça reste le plus gros pôle aux Utopias quand même. Alors moi il y a quelque chose qui m'a un peu surpris lorsque j'ai pris le dossier de presse, c'est que en fait le pôle ludique représentait un paragraphe sur un PDF qui faisait 53 pages. Attends, Thomas. Ah, je dirais même la plus. Main dans la gueule, direct, ouais, carrément. Thomas. Moi aussi, je l'ai vu au dossier de presse. J'ai vu qu'il y avait effectivement des sous-classes à certains paragraphes qui détaillaient ce qu'il y avait aux Utopiales. Et pour le jeu de rôle, il y avait juste un paragraphe qui était pôle ludique et c'est tout. Et c'est tout. Ouais. Donc on se demande qu'est-ce que le pôle ludique ? Est-ce que c'est que du jeu de rôle ? Est-ce que c'est d'autres choses ? C'était assez obscur. Adélaïde. Le pôle ludique, ça regroupe différents jeux. Tels que le jeu de plateau, le jeu de figurines, le jeu de rôle et le grandeur nature. D'accord, ok. Donc c'est vraiment un pôle ludique. Après, au niveau de la communication, nous, le dossier de presse, on ne l'a pas vu du tout. Donc il y a un responsable de la section jeu de rôle qui est censé s'occuper de ça. D'accord. Maintenant, je ne saurais pas répondre à sa place sur l'explication de pourquoi il n'y a pas eu de communication là-dessus. En tout cas, on voit que ce n'est pas autant détaillé que tout ce qui concerne la littérature, la science-fiction et tout. Tu me diras si c'est un festival sur la littérature. Ça dépend des années. Il y a eu des années où ça a été mieux fait que d'autres. Sur cette année, je crois qu'il y a eu quelques soucis. Depuis un ou un, il y a eu quelques soucis. Il y a des soucis depuis des années, mais il y a eu un manque de communication, en particulier cette année. D'accord, ok. Alors donc tu parlais de soucis de communication, c'est pas vis-à-vis des organisateurs plus général des Utopiales. Alors à ce niveau-là, je pourrais pas répondre à leur place, mais au niveau de à notre niveau, pour vous donner une idée, nous coordinateurs jeux de rôle, on a su qu'un mois avant qu'il n'y avait pas de coordinateur jeux de rôle. Qu'un coordinateur jeux de rôle aux Alors en fait, le coordinateur jeux de rôle, donc moi je l'ai été en fait de 2005 à 2009. Donc c'est on est là pour coordonner les associations nantaises ou autres assos voulant venir aux Utopiales pour faire une animation fluide pour accueillir le public. Et cette année, a priori, il y a eu un raté et un mois avant, on nous a dit non, il n'y a pas de coordinateur, on ne sait pas comment ça se passe cette année. D'accord. Donc du coup, avec Corentin, on a repris l'animation pour qu'il y ait un accueil de public. Voilà, qu'il se passe quelque chose. Sinon, il ne se passait rien au niveau jeu de rôle aux Utopiales cette année. Il y aurait eu des indépendants, comme tous les ans, il y a des indépendants qui viennent. Après, ça aurait peut-être pas été une animation aussi carrée qu'elle a pu l'être cette année. D'accord, ok. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai lu lorsque j'ai préparé ce podcast, parce que je connaissais pas du tout les Utopiales. D'accord. Moi, pour moi, les Utopiales, c'était une convention de jeux de rôle. Déjà, tu vois, première erreur. J'avais dit un jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail. Et donc il m'a dit mais tu te déplaces pas aux Utopiales. Je fais oh non, moi les conventions tout ça pour quelques personnes ça vaut pas le coup. Je pense que cette personne a dû bien rigoler derrière son mail en se disant mais quel guignol, il ignore tout de ce que sont les Utopiales. En fait, quand j'ai découvert que c'était un truc énorme, j'ai halluciné. Mais par contre 65 000 personnes cette année quand même, c'est, ouais, c'est jours, énorme, hein, c'est énorme, monstrueux. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'a beaucoup déçu. Et quelque chose, une sensation que j'ai eue en tant que journaliste entre guillemets de la presse rôliste, c'est que le jeu de rôle avait très mauvaise presse. J'ai l'impression que quand on regarde ce qui se passe du point de vue des Utopiens, le jeu de rôle, c'est le parent pauvre, on le met un petit peu de côté, quoi. Et par exemple, un truc qui m'a marqué, c'est j'ai lu un article qui datait, je crois, de 2007 ou de 2006, où c'était un GNiste qui disait carrément qu'il n'avait pas pu rentrer costumé au festival. Alors ça, c'était avant. D'accord. Il y a eu une évolution depuis 2000, enfin moi depuis je suis là depuis 2005. Hein. Effectivement, les Utopiales est un noyau très dur. C'est très nantais à la base comme événement. Enfin moi je le ressens comme ça. D'accord. Et très élitiste aussi. Faut le dire. Au sens élitiste au sens, c'est-à-dire réservé aux scientifiques et aux littéraires. Voilà, ouais. Plus ouais. Le jeu était. C'était une volonté des organisateurs à l'époque. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Il y a interruption dans ce podcast. Aloïs, tu vois ce que tu peux faire ? Non. Donc oui, c'était une volonté d'un des organisateurs qui était rôliste en fait à la base d'intégrer du jeu de rôle aux Utopiales. Donc c'est pour ça qu'il y a du jeu de rôle aux Utopiales. D'ailleurs, il y a une erreur parce qu'on appelle la section jeu de rôle. Or, d'accord. Il n'y a pas que du jeu de rôle, il y a tous les jeux. Bon, ça, l'erreur, en tout cas, dans le dossier de presse, n'y était pas. Elle y est plus, peut-être. Oui, c'est vrai que depuis cette année, mais l'année dernière, ça y était encore sur les badges, je crois, c'était encore marqué pour le jeu de rôle. Donc, ça a peut-être été rectifié cette année, effectivement. D'accord. Ah, excuse-moi, Adélaïde, pendant que tu étais en train de parler, il y a Yann qui nous a rejoint. Yann, ça va, la pêche ? Très bien, très bien. Donc, ouais. Toi aussi, alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos éditeurs qui ne t'ont pas encore entendu ? Entendu. Alors, moi, je suis en master de philosophie. Oh, bah, dis donc, c'est une bonne activité, crois-moi. je suis en stage depuis plusieurs années. Parle bien dans la mousse. À la Talente. Ouais. C'était ma 8e édition dans l'organisation des Utopiales. D'accord. Alors là, on était en train de parler un petit peu de l'organisation du jeu de rôle au sein des Utopiales. Et puis, en gros, pendant son absence, on vient juste de commencer. Hein. On a dit que. On trouvait sur Internet, d'une manière générale, que le jeu de rôle était un petit peu le parent pauvre des Utopiales, qu'il était un petit peu sous-estimé. Quelle est ton intuition sur la chose ? Bah déjà, c'est quoi les arguments pour être sous-estimé ? Parce que ils ont trois étages de jeu, ouais. Trois salles sur la Cité des Congrès, qui est quand même un site. Énorme, donc faut voir les arguments, mais ouais. pour moi ils sont pas sous-estimés dans le sens où alors ils sont pas sous-estimés présence. Alors ce qu'on disait, c'est qu'ils sont peut-être pas sous-estimés techniquement au sein du salon. Adélaïde, excuse-moi. Je vais juste intervenir, ouais. On parle du jeu de rôle, pas du jeu en général. D'accord, ok. Ah, d'accord, parce ouais. que jeu de rôle, on n'a pas trois salles. Voilà. Jeu de rôle, c'est une salle au sein de. Une demi-salle. Demi-salle, bon. En fait, si je peux me permettre, c'est surtout, je crois que le gros problème, c'est qu'au niveau des Utopiales, c'est qu'il y a assez peu de communication. En fait, pendant de nombreuses années, il y avait un responsable. En fait, c'est toujours comme ça. Il y a un responsable qui est du pôle ludique, et en fait, la communication passait assez mal entre l'organe elle-même des Utopiales, dont cette année, moi, j'étais bénévole, et Yann est bénévole donc depuis 8 ans. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de communication. C'est-à-dire que les bénévoles organisations ne savaient pas ce qui se passait dans les sections jeux. C'est-à-dire qu'il y avait peu de communication. C'est pour ça aussi qu'ils avaient du mal à communiquer dessus. Il y a eu une délégation. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sous-traitance. Une délégation qui a été faite. Les bénévoles là, vous allez vous occuper du jeu de rôle, mais il n'y a pas de communication entre les deux bénévoles, quoi. Exactement, exactement. Il y avait deux groupes de bénévoles qui s'ignoraient à peu près parfaitement, puisqu'ils ne savaient pas qui était l'un et l'autre. Et donc, du coup, pour communiquer avec la presse, c'était peut-être plus difficile. Voilà, c'est pour ça qu'en plus, les organes des Utopiales, on ne va pas leur reprocher de ne pas être aux listes. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient sûrement du mal en parler. Je crois que c'est aussi bête que ça. Thomas, tu veux poser une question ? Oui. Est-ce que le jeu de rôle au sein des Utopiales a une réelle importance ? Est-ce que vous avez eu du monde ? Est-ce qu'il n'y a peut-être eu que 10 personnes en tout ? Donc c'est peut-être pour ça que c'est peu mis en avant sur la brochure. Corentin ? En fait, on a eu plus de 600 demandes d'inscription cette année. Putain, c'est énorme. Attends, sur des tables de jeu de rôle ? Ouais, tout à fait. Des maîtres de jeu, vous en avez eu combien ? On en avait 21, 22. 20 voilà, une bonne vingtaine. C'est assez étrange, c'est-à-dire que ça représente à peu près le nombre de MJ de Rennes. C'est l'équivalent de Rennes, je pense, d'Eclipse. Ouais, vas-y, continue. Hein, ouais. Non, on a eu une bonne équipe cette année encore, ouais. Mais c'est sur 4 jours. Sur 4 jours, sachant que le jeudi, ça se compte sur les doigts d'à peu près demain, les personnes qu'on a eues. Donc tout était le vendredi et le samedi principalement. Ouais, c'est pas mal. Et on a refoulé une centaine de personnes. Ah, donc quand même, vous avez une grosse demande au niveau du jeu de rôle au sein des Utopiales. Ah oui, oui. Après, proportionnellement au nombre de personnes qui fréquentent les Utopiales, est-ce que c'est beaucoup, Adélaïde ? Il y a beaucoup de gens qui viennent entre les films, en fait. On occupe beaucoup les gens pendant le festival, pendant les différentes conférences, les différents films. Donc, effectivement, par rapport aux chiffres des entrées des Utopiales, c'est pas un chiffre énorme, mais faire jouer 500 personnes, ça reste quand même énormément de boulot, quoi. Ouais, j'imagine. Du coup, en visiteurs, ça fait 46 000 pour les Utopiales. Ouais. Cette année, en 2011, ouais. Ça c'est énorme. Non, c'est 46 000. Moi aussi, j'ai eu 65 000, mais c'est bon. Après, il y a, tu sais, c'est selon les manifestants, oui, selon les CRS, tout ça. Qui compte, ouais. Le compte syndicat et le compte police. Ouais, voilà. Et du coup, 600, c'est énorme. Enfin, ouais, moi-même, étant rôliste, je le sais très bien. Le truc, c'est que le gros avantage, surtout des joueurs de jeux de rôle, c'est qu'ils ne sont pas là juste pour faire du jeu de rôle. Et les gens qui participent aux tables, aux Utopes, ne font pas que du jeu de rôle. Ils vont aller sur les confs, ils vont aller sur les films, ils vont regarder les expos. Et c'est ça qui est hyper chouette aussi sur ce pôle ludique. C'est-à-dire que c'est pas que des gens qui vont voir que ça, ou ce serait pas comme s'il y avait un espèce de fandom pour la BD par exemple, qui viendrait que pour un auteur pour tout le festival, et qui essaierait à de maintes reprises d'avoir une dédicace ou d'avoir un instant à parler avec l'auteur. Non, là c'est des gens qui viennent. C'est ça qui me semble intéressant. Et bien sûr, c'est ça qui me semble intéressant. On a vraiment un public. On a vraiment un public très très varié, ouais, c'est clair. On a des enfants, des ados, des adultes. Vous montrez à de nombreuses personnes ce que c'est que le jeu de rôle. Il y a une forme de tourisme, c'est-à-dire que les gens viennent voir ce que c'est le jeu de rôle aux Utopiales. Ouais, carrément. Il y en a qui viennent, ils connaissent pas et ils viennent déjà se renseigner. Certains jouent pas, mais voilà, ça, c'est une vitrine. D'accord, parce que c'est une vitrine. On a environ cette année, on était autour de 20% de personnes qui connaissaient pas le jeu de rôle et qui l'ont découvert à ce moment-là, quoi. D'accord, Adélaïde. On a souvent des nouveaux. Et ce qui est, enfin, moi, par rapport aux anciennes années, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des gens qui ont découvert le jeu de rôle aux Utopiales et qui reviennent. Et qui reviennent. Moi, cette année, ça m'a surpris parce que j'ai vu un ado. Et en fait, je l'ai connu, il avait 10 ans. On l'a fait jouer sa première partie aux Utopiales et il revient tous les ans maintenant faire c'est son rendez-vous annuel du jeu de rôle. Ah, c'est pas mal, ça. C'est une belle. Moi, c'est un bel exploit. Moi, ce qui me semble marquant dans les Utopiales, c'est qu'on est à la croisée des chemins entre beaucoup de disciplines, entre beaucoup de domaines. Et c'est là justement qu'on va pouvoir un petit peu mesurer, entre guillemets, le regard que les uns ont sur les autres et inversement. Et moi, ce qui me frappe sur Internet, si on regarde dans les commentaires autour du jeu de rôle, c'est il y a une forme de, comment dire, de bizarrerie autour du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on voit que le regard porté sur les rôlistes est un petit peu étrange. Je reprends cette chose dont on parlait au début du podcast, quand on disait que certains GNistes n'avaient pas eu le droit de rentrer. Et on s'était peut-être arrêté là, d'ailleurs, que tu disais que c'était de l'histoire ancienne, tout ça. Oui, ça. Cette légende urbaine, entre guillemets, parce que je ne l'ai pas connue. Quand je suis arrivée en 2005, effectivement, j'ai entendu dire que les Utopiens étaient très exigeants sur les costumes. D'accord. Ils ne voulaient pas un costume de qualité ou rien du tout. D'accord. Et je dirais que ça s'est démocratisé. Cosplay. Voilà, exactement. Voilà. Ça a tout résumé. Ouais. C'est-à-dire quand le manga est arrivé, comme tout le monde. Ça avait déjà commencé avec le GN quand même, qui était là depuis plusieurs années, qui ont une activité qui se développait. Ouais. Ils ont quand même eux aussi commencé à apporter le costume. D'accord. Et après l'explosion, ça a été le cosplay. D'accord, ok, ça marche. Je sais pas, moi je suis ici depuis 8 ans, du coup, j'y suis depuis 8 ans Et du coup, moi, il me semble que ce côté de des gens en costume qui se sont fait recaler, je crois que c'est une vieille histoire d'un moment où des gens justement costumés, des GNistes, un peu raide, il y avait eu une histoire de pas de débordement, mais en fait de gens qu'on fait un peu chier. Et du coup, c'était juste ça en fait. Et du coup, l'année d'après, je crois, l'orga l'avait mal. Et du coup, on pensait que c'était les mêmes personnes, mais c'était pas le fait d'être en costume. Il me semble, mais c'était le fait que l'année d'avant, il y avait eu des troubles et du coup, que l'orga était un peu vénère par rapport à ça, mais c'est tout. Encore une fois, quelque chose de très factuel, c'est 53 pages pour présenter le festival, une bonne dizaine sur la littérature, une bonne poignée pour le cinéma, énormément pour le jeu vidéo, et le jeu de rôle, un paragraphe. C'est factuel. Un autre élément, moi, qui me frappe, la manière dont on parle du jeu de rôle, c'est assez étrange. Je trouve qu'un festival de science-fiction doit beaucoup aux rôlistes, aux geeks rôlistes en général. Et voilà, moi, en tout cas, en tant que journaliste, j'ai préparé ce podcast. J'ai regardé Thomas. Ouais, je voudrais dire, tu penses que les geeks du jeu de rôle ont beaucoup apporté à la science-fiction? Je pense que c'est la clientèle de la science-fiction. Moi, je prends le marché du jeu de rôle. Le marché du jeu de rôle, sur toutes les bases, t'as 80% de mes fans. Et après, t'as de temps en temps un peu de la science-fiction. Et si tu regardes la science-fiction, c'est quasiment que du jeu à licence. Battlestar Galactica, Star Trek, Star Wars. C'est quand même pas le canon le plus courant que tu peux trouver dans le jeu de rôle. Sans s'il n'y a pas de licence. Ah, super. Mais bon, voilà, c'est pas de la science-fiction au sens, à mon avis, des Utopiales. Moi, ce que je voulais dire, c'est que il me semble que sur le programme des Utopiales, il y a un amalgame qui a été fait entre le jeu et le jeu de rôle. Ouais. Et oui, c'est possible. Bon, j'ai pas ramené le programme, je sais plus où il est passé chez moi, sans doute à la poubelle. Comme tous les programmes de conférences d'ailleurs. mais voilà, il y a un amalgame qui est fait. À mon avis, ça révèle quand même un petit manque d'intérêt de la part des orgas quant à ce qu'on fait. Je pense que c'est pas un manque d'intérêt, je pense que c'est juste qu'ils connaissent pas trop, c'est pas trop leur truc. Ils sont l'ancien président de l'association des Utopiales, c'était Pierre Bordage. Je pense pas que ce soit un rôliste outre mesure, il est dans la science-fiction et je ne pense pas que ce soit. Je pense que c'est pas vraiment, c'est juste, c'est contrairement à ce que vous pouvez dire, je pense pas que il y a une partie, oui, une bonne partie des rôlistes sont achètent des bouquins de Medfan, achètent de la science-fiction, mais la majorité des gens qui sont cachés de la science-fiction et du Medfan ne sont pas des rôlistes. Enfin, je pense pas. Est-ce que tu consommes pas mal de science-fiction? Oui, c'est plutôt la fantasy plutôt. Ouais, je suis plus sur la fantasy. Mais... Comme disait Thomas. Corentin, est-ce que toi, tu es science-fiction? Ouais. Tu lis pas mal de romans de science-fiction ou pas? J'en ai lu un peu, ouais. Et je préfère presque au Medfan, effectivement. Enfin, je préfère au Medfan. Série, pareil. Plutôt science-fiction, en fait. D'accord, ok. Yann. Ouais, moi je voulais revenir sur par exemple juste le fait factuel du programme. En fait, c'est juste une question d'information, comme le disait Kevin tout à l'heure. À un moment, en fait, si dans les maillons des gens qui vont faire alors un paragraphe ou une page ou cinq pages sur les jeux de rôle, si ça arrive pas au graphiste, en fait. C'est pas dans la maquette et c'est pas, ça part pas à l'imprimeur. La question est purement ici. C'est-à-dire, y a aucun problème pour mettre plus d'informations sur le jeu de rôle, sur le pôle ludique en général. La grande question, c'est... en fait, il faut le donner et faut que ça arrive jusqu'au graphiste. Il y a un problème dans la chaîne d'information à un moment dans ce cadre-là. Donc du coup, oui, effectivement, c'est toujours le même paragraphe qui est réutilisé, parce que juste, en fait, les gens qui font le programme, bah, c'est pas des rôlistes pour la plupart. Et après, sur l'impact des rôlistes dans le festival. Plus général, dans le milieu de l'imaginaire, je pense qu'il faut pas détacher SF, Medfan, Fantastique. Je pense que les Utopes, c'est un festival de l'imaginaire de façon générale. Et du coup, on s'en fout de « Ah, moi, je préfère la fantasy, je préfère la SF ». Et du coup, je pense que de façon générale, les rôlistes sont effectivement, comme je le disais tout à l'heure, des amateurs de tout ce qui traîne dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire, quel que soit. Quel que soit le format. Et voilà, ça va être les Alors, intros, ça va être... Ouais, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi la science ? Si ce n'est que faire des hypothèses et ensuite les vérifier, imaginer des mondes possibles et ensuite les vérifier. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les rôlistes, quoi? C'est à part ça. Enfin, moi, je trouve scandaleux que dans un festival comme les Utopiales, on réserve un paragraphe et demi aux jeux de rôle, aux jeux de société, alors que... Attends. Sam, tu voulais réagir? Avant ça, peut-être. Je vais laisser Yann réagir. Yann a l'air plus scandalisé à ce que tu as dit. Bah non, je suis pas d'accord. Enfin, je viens de te dire pourquoi c'est comme ça. Tu peux pas dire. Enfin, tu peux être scandalisé du monde dans la chaîne d'information. Donc, tu penses. D'accord. Mais je pense donc, pas en fait. Toi, je le sais. Tu le sais. D'accord. Ça va. Très bien. Je travaille dans l'organisation. Je le rejoins là-dessus parce qu'il y a une année, je sais plus laquelle. Donc c'est vraiment qu'une question de communication. Ouais. D'accord. Oui, parce qu'il y a une année où on avait, tous les ans, quand on travaille sur la section jeux de rôle, donc on prépare nos animations, on envoie un speech au responsable de la section jeu avec le descriptif de nos différentes animations. Il y a une année où ça a été envoyé par le responsable jeu en temps et en heure au programme. Et du coup, dans le programme, on était bien, il y avait bien tout ce qu'on avait mis. D'accord. Mais sauf que les années suivantes, ça n'a pas suivi et ils reprenaient ce qui avait été dit alors qu'il y avait des animations qui n'avaient plus lieu ou des choses comme ça. Et effectivement, au niveau du programme, en tout cas, l'explication vient effectivement d'un manque d'informations. D'accord, très bien. Les informations ne sont pas remontées. Sam ? Même si je suis d'accord avec l'explication de la communication, je pense qu'il faut quand même largement se demander quelle est la place du jeu de rôle dans les utopiales. Mmh. Et moi, personnellement, j'y ai une réponse personnelle avec lequel on peut être en désaccord, mais sur le fait que l'espace jeu de rôle, c'est juste un espace de remplissage, quoi. Mmh. C'est-à-dire que grosso modo, ça prend de la salle, ça génère du monde, ça fait bien dans un espace, ça fait vraiment du remplissage. Pour moi, c'est un peu comme quand dans un supermarché, on met un espace pour que les gosses regardent la télé pendant que les parents font les courses. Pour moi, l'espace jeu de rôle aux Utopiales, il y a des années où il me faisait un peu cet effet-là. À n'en pas douter, je cite le programme, les différents, donc c'est peut-être un problème de communication, les différents espaces de jeux de plateau, de figurines, de jeux de rôle sur table ou grandeur nature joueront pleinement leur rôle. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Jouer leur rôle Ça ne veut rien dire. Je crois que c'est une phrase de communicant, ouais. Typiquement habitué des communications municipales pour bien faire. Et c'est une phrase vide de sens pour moi. Enfin, pour D'accord, moi, ça, okay. c'est d'abord net. Hein. Je ne vois pas comment le qualifier autrement. Bah oui, tout simplement, quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, ne sait pas quoi mettre dans un truc. Donc, comme ça, ça vraiment, moi, je pense que c'est un effort à faire pour l'année prochaine. Il faut à tout prix c'est prévu. Puis c'est pas que depuis cette année qu'on travaille dessus. Ouais. On y a toujours travaillé dessus pour essayer d'améliorer ça. Cette année, il y a, je pense, plus d'ouverture que les années précédentes pour faire évoluer les choses. Donc, avec Corentin, on a déjà préparé les axes à travailler et on va travailler avec les assos, les animateurs pour. On a commencé maintenant, c'est-à-dire qu'on s'y prend un an à l'avance pour et non pas un mois à l'avance comme cette année. Et on travaille aussi main dans la main avec toute la section jeu, tous les pôles, la figurine, le GN, le jeu de plateau, et faire des passerelles éventuellement avec la littérature, le jeu vidéo et le cinéma. D'accord. Sam, tu voulais intervenir ? Un des problèmes qui va dans le sens du problème de communication qui a très bien été expliqué par Yann. Qu'au-delà des solutions qui sont mises en place, et c'est vrai que le pôle ludique a vraiment l'intention de se bouger pour améliorer les choses, je pense que le pôle ludique a un gros problème, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui sert d'interface entre le pôle ludique et l'organisation centrale des Utopiales. Mmh. Et il faut qu'il y ait un coordinateur qui aime le ludisme, qui s'y intéresse, qui savent le défendre et qui prennent le temps de le faire. Mmh. Et s'il y a eu tous ces problèmes de communication, c'est avant tout qu'on n'avait pas quelqu'un qui le faisait au sein des Utopiales. La personne qui servait d'intermédiaire entre les organisateurs des Utopiales et le pôle ludique ne faisait pas bien son boulot. Je vois tout le monde qui rigole. J'en connais un qui va avoir les oreilles qui vont siffler. Quand même, je comprends pas en fait. Je connais pas les Utopiales encore une fois. Ça a changé de responsable, c'est très bête. Avant, c'était pas la même personne qui était responsable de la coordination. J'ai pas envie de faire un charge. Honnêtement, on pense qu'il n'a pas transmis des informations puisqu'on a été vérifié au-delà des informations qu'il devait transmettre. Et effectivement, ils ne les ont jamais eues les années précédentes. Je crois que. On peut ergoter là-dessus longtemps sur sa responsabilité. En tout cas, ça a changé et on voit l'amélioration. Vous êtes tous un peu responsables. Excusez-moi, messieurs. Faut pas non plus se défausser sur. Non, mais on est là pour proposer des projets et les réaliser. Ouais. Et c'est ce qu'ils attendent et on sera là pour le faire. Corentin. Ça fait pas mal de temps que tu veux le micro. Effectivement, il faut aussi être constructif dans les deux sens. Il faut avancer dans les deux sens. On sent qu'il y a une ouverture. En face, il faut aussi proposer des choses pour montrer qu'il y a une démarche de coller aussi avec ce que peuvent attendre les Utopiales. De l'extérieur, cette faute de communication fait qu'on a l'impression que les Utopiales s'en foutent. De l'extérieur, tu lis des articles sur Wikipédia qui te parlent de ces affaires des histoires de GN qu'on veut pas de mecs costumés. Tu lis des trucs comme quoi, tiens, le jeu de rôle finalement ça représente qu'un paragraphe sur un truc de 53 pages, que les stands coûtent une fortune, etc. Et tu te dis, mais attends, pour qui est ce festival ? Alors, au niveau du jeu de rôle et de la communication, on a quand même eu les dernières années quelques artistes articles pardon, dans Ouest France. Il y a eu différents articles dans Ouest France, ouais. Sur le jeu de rôle, sur GN aussi, j'en avais vu. Il y a eu aussi un passage en radio à France Bleu. Il y a quand même des choses. Il y a des passages de la presse régulièrement sur les stands de jeux de rôle. Il y en a, ça dépend des années, pas tous les ans, effectivement. Et ça, on l'observe dans toutes les conventions neurolistes. Je tiens à préciser que cette année, c'est dans Presse Océan, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais il y a eu un article sur le jeu en général, et il a quand même été assez bien écrit. Bon, je vais pas faire de la pub parce que voilà, c'est moi qui ai initié cet article, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, d'une part. D'accord. Mais il a quand même été assez bien rédigé par un stagiaire, en fait. Mais la double page était bien. Fait penser à Footmania, tu sais, où le stagiaire, c'est le petit mec là en short sur son terrain. Non, les articles ont été, même ceux qu'on a eu les années précédentes, étaient vraiment bien faits. C'était vraiment positif. Yann. L'autre question, c'est d'un regard extérieur, à un moment, en fait, il faut juste y aller. Quand on y va, il y a juste plein de gens qui sont dans les salles et qui se marrent autour de jeux de rôle ou de jeux de plateau. Et je pense que c'est le plus important. Le retentissement, sincèrement, sur les conférences scientifiques. Ouais, et les conférences sur le jeu de rôle, elles sont où là ? Il y en a eu. Alors, tu peux dire 2008, il y en a eu une, en 2009 aussi. 2010 aussi, il y a eu. En fait, on les a initiés en 2010 réellement. Il n'y en a pas eu cette année parce qu'on n'a pas eu le temps de la construire. Donc, l'idée, c'est aussi d'en remettre l'année prochaine. Ouais. Et ça nous permet aussi de faire des passerelles avec les autres médias. D'accord. Voilà, tu sais ce que tu vas faire l'année prochaine pour les Utopes. Hein. Non. Il y en a pas une cette année. Le jeu de rôle, le jeu un laboratoire. Non, c'est la science-fiction un laboratoire philosophique. Ouais. Autant pour moi. Je pense honnêtement que Sens peut avoir sa place. Utopia, c'est bon. On n'est pas là pour faire de l'autopromo. je suis là pour vous tirer les verres du nez sur votre organisation, et je veux vous dire que de l'extérieur, vraiment, il y a cette idée que c'est le parent pauvre. C'est dommage, c'est une erreur de communication. L'erreur de communication, on parlait Yann. Attends, deux minutes, Sam. Je donne la parole à Corentin. Je te donne la parole ensuite, Sam. Corentin. Mais je dirais que la com externe, mais aussi la com interne, fait que effectivement. Je peux comprendre que certains aient un ras-le-bol qui aient cette impression de je m'en foutisme, quoi. En externe, en interne. Voilà. Et je trouve ça injuste. Tout le monde n'est pas forcément d'accord, même on le voit autour de cette table. Il y a différents points de vue qui sont tout à fait compréhensibles. Mais c'est très injuste parce que finalement, on a là un carrefour entre différents médias. On a d'un côté la science-fiction, la littérature, le jeu vidéo, et on voit le jeu de rôle. Le jeu fait vivre l'imaginaire. Voilà. Hein. Pour moi, il devrait avoir une place centrale aux Utopiales. Enfin, en tout cas, il devrait avoir une place de quadrangle, quoi. À mon avis. Sam, tu voulais ajouter quelque chose avant de t'endormir? Non, je suis d'accord avec Corentin. Pour rebondir ce que tu disais, le doute que tu as en regardant les choses de manière très extérieure. Sur ton micro, Sam. T'es bon. Moi, pour être sur Nantes depuis une dizaine d'années, ça fait une dizaine d'années que je vais aux Utopiales. Ce doute, je l'ai en étant plus ou moins de l'intérieur aussi. D'accord. À un moment, tu ne te trompes pas forcément de diagnostic non plus, quoi. Il y a un problème qu'on essaye ces temps-ci, parce que les associations et les gens qui sont autour de cette table, notamment, essayent de se poser les questions pour trouver des solutions aux problèmes, parce qu'on a envie de donner la place centrale. Et je pense effectivement que c'est avant tout un gros problème de communication entre différents partis. Voilà. Soyons clairs, c'est pas du tout un reproche, je vous dis. Je sais que vous faites votre maximum et tout. Moi, c'est un avis extérieur. J'étais un peu... je trouvais ça bizarre. Corentin. Ben voilà, on est là pour essayer de l'expliquer et pour dire que il faut clarifier la chose, donc il faut s'asseoir autour de la table, discuter et avec les orgas des Utopiales, quoi. Ce qui est en cours. D'accord, ok, très bien. Alors bon, ce constat étant fait, Aloïs, tu voulais ajouter quelque chose ? Moi, je voulais ajouter que c'est peut-être pas juste le problème des Utopiales. Le jeu de rôle, ça fait des années que le jeu de rôle a mauvaise presse en France. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ça s'améliore depuis quelques temps. Oui. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est le jeu vidéo maintenant qui hérite. Les gens ont tendance à préférer jouer en dématérialisé plutôt qu'aller vers les autres. Et ça, c'est peut-être parce que quand on est jeune, on nous force à jouer à des jeux qui nous ennuient, comme le Scrabble ou le Monopoly. Je pense que ça a beaucoup évolué. Oui, clairement. Ça a beaucoup évolué. Ah, je dis pas que c'est mauvais, mais quand t'es jeune, quand t'as 8 ans, tu t'en fous du Scrabble. J'adorais jouer au Scrabble quand j'avais 8 ans. Alors, pour ou contre le Scrabble, pareil avec mes grands-parents. Donc, bah, après, moi j'ai envie de dire aussi, ouais, c'est pas une position centrale, mais d'accord, le jeu de rôle ça fait vivre l'imaginaire, mais quand même, on a quand même un gros problème, c'est l'intégration de ce genre d'activité dans un festival qui est quand même un lieu fondamentalement bruyant. Ouais. On a le jeu de rôle, pour moi, dans l'idéal, ça joue la table dans une pièce isolée, avec pas de bruit autour. Ça, c'est, pour moi, c'est idéal. Tu penses aussi que c'est pour comment, ça que le jeu de rôle est assez méconnu? Comment on fait pour intégrer quelque chose comme ça dans un festival qui draine, plus de 40 000 personnes. Enfin, c'est aussi, ouais, on est un peu dans un coin, effectivement, de facto. On est dans une salle qui, même si elle est isolée et quasiment réservée, on parlait partage avec les figurinistes. Alors, excuse-moi, mais les littéraires qui sont invités, là, les invités, oui. On ne lit pas leurs livres dans le couloir du salon. Effectivement, donc, oui. Donc, ils sont invités et il y a des gens qui viennent pour les dédicaces et on les fait parler et c'est là qu'on s'aperçoit, tiens, mais en fait, c'est intéressant la science-fiction, ils sont intéressants. C'est vrai que... Et si on faisait parler les rôlistes un peu, hein? C'est vrai qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de participation, ouais, des auteurs de jeux de rôle, je pense, dans les conférences, il n'y aurait aucun problème à ce qu'ils s'intègrent. Je pense que c'est aussi que, bêtement, ouais, comme ils invitent énormément d'auteurs, bah, ils les font participer, leurs auteurs, aux tables rondes. Après, Yann, on connaît beaucoup plus long sur les tables rondes que moi. Bah après, enfin, davantage sur les auteurs, en fait. Ben, il suffit de voir le nombre d'auteurs qui sont rôlistes, tout simplement. Ouais. Brandmore, qui a fait l'affiche, est rôliste. Ouais. Bah, Jarvowski, Jaworski, enfin, il y a du coup de rôlistes qui parlent dans les tables rondes, enfin, ah oui. C'est pas un problème, et ça revient assez souvent sur le tapis dans les conférences, à parler de jeux aussi. Fois, hein. C'est assez génial parce que tu reviens sur cette idée que finalement c'est juste la communication, qu'en fait le jeu de rôle est très présent aux Utopiales, mais qui passe un peu inaperçu, et puis que voilà, c'est ce que Adélie. Excuse-moi, il faut aussi les monter, les tables rondes, si il y a personne pour les monter derrière, il y en aura. Pas. Donc, maintenant à nous effectivement de trouver des sujets intéressants à développer sur le jeu de rôle, à les proposer et justement de monter sur scène. Et ça a été possible, on l'a fait, donc c'est pas impossible d'en remettre d'autres. Mmh. Ah, c'est encourageant en tout cas de voir que bah, justement c'est qu'une erreur de communication et puis que vous avez l'air bien motivé pour la suite. Alors justement, parce que là on a un petit peu dressé un bilan mitigé, on va dire, du point de vue de la communication, par contre très encourageant du point de vue de la réalisation du festival. Cette année ça a été au niveau de l'affluence et tout, ça a été quand même assez intéressant. Vos perspectives maintenant 2012. Qu'est-ce qui t'arrive, Thomas? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pas, t'as l'air d'être. C'est le bruit qui est derrière moi? Oui, Thomas est toujours vivant. Ah, Thomas est toujours vivant, d'accord. Il n'a même pas trollé depuis au moins une demi-heure. Je troll. Vos perspectives maintenant d'avenir, quoi. 2012, ça se présente comment? Corentin, Adélaïde. Alors, ton iPhone, t'as. Le petit mémo d'Adélaïde, déjà, le premier point, bon, bah, c'est la communication. Ouais. Je ne sais pas si ça sert de revenir dessus une fois. Mais ça, on va en reparler de toute façon. Sinon, il y a tout ce qui est organisation, donc de l'espace jeu de rôle, la gestion des salles, comment les optimiser, comment utiliser des petites salles qui sont pas forcément encore utilisées aux Utopiales. Ouais. On a tout ce qui est coordination entre les différentes assos, faire des passerelles, par exemple. Est-ce qu'on voit bien qu'entre les différents bénévoles des Utopiales, c'est ce qu'on disait au début du podcast, il y a des petits problèmes de communication, en fait, si j'ai bien compris. Pas entre les bénévoles, en fait, il y a des différents catégories de bénévoles, on va dire. Il y a ceux qui sont vraiment sur l'organisation pure des Utopiales, comme Kevin et Yann. Et il y a nous, les bénévoles de la section ludique, qui fonctionnons un petit peu différemment, qui gérons notre section, quoi. Après, l'entente est cordiale, hein, il n'y a pas de souci. Bah. Ok. Voilà. Et donc, on a parlé de table ronde. Donc, ça, c'est toujours au goût du jour. Pourquoi pas également de mettre en place tout ce qui est atelier enfant qui a déjà existé, qui a disparu, mais qui ne demande qu'à revenir. Et qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien, qui pourrait être fait également avec ceux qui font du jeu de figues, ceux qui font du jeu de plateau. Enfin, voilà. Il y a des choses en commun à faire au sein du jeu entier. Et avec le reste pour des tables rondes, pour enfin il y a des idées. Je peux pas parler de tout, tout n'est pas validé, mais voilà. Bien sûr. Sam, tu voulais intervenir? Moi, pour soulever une question, en fait, c'est pourquoi il n'y a pas plus de ou pourquoi on n'essaierait pas de mettre plus de place pour la création, en fait, du jeu de rôle dans les Utopiales. Enfin, moi, c'est que je sais que c'est quelque chose qui m'étonne toujours. Dans les Utopiales, on parle beaucoup de la création du cinéma, la création un peu littéraire, la création du jeu vidéo. Quelque chose sur la création du jeu vidéo. Et c'est un sujet qui est finalement pas du tout abordé aux Utopiales. On parle beaucoup des tables, on présente le jeu de rôle, mais finalement on parle pas de ce qui a le plus de points communs avec tous les autres éléments qui sont abordés dans les Utopiales, c'est-à-dire le fait que c'est une création imaginaire comme la littérature, comme le cinéma. Et je m'interroge sur le fait que ça n'ait pas de place aujourd'hui aux Utopiales, cet aspect du jeu de rôle qui est pour moi très important. Adélaïde. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a déjà eu des ateliers création de scénarios, création de personnages. Donc, après, c'est avec la volonté aussi des bénévoles qui participent à l'animation. Et justement, ça fait aussi partie de nos prochaines pistes de travail pour l'année prochaine, de remettre ces choses-là. Il y a quelques années, il y avait un concours de scénario, d'écriture de scénario. Alors, comme il y avait eu un concours de scénario sur place. Il y a toujours le concours de scénario, en fait, avant. C'est-à-dire qu'ils avaient fait aussi ils avaient fait une innovation que moi j'avais testée et je trouvais que c'était assez intéressant comme exercice. Bonjour, ça faisait très scolaire. C'était bonjour, vous avez votre sujet et vous avez 2 heures pour écrire un scénario, peu importe l'univers, peu importe les règles. Voilà. Ouais. Vous avez fait le concours de scénario comme ça. Moi, j'avais trouvé ça très intéressant. Si ça se refait, j'aimerais bien y participer après. Ah, ok. Ça peut être une idée. Après, on est preneur de toutes les idées. On est là pour les soumettre ensuite. Est-ce que les gens, les maîtres de jeu, les auteurs qui viennent présenter des jeux aux Utopiales sont défrayés? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent les chercher à la gare, comme Mathieu Gaborit, par exemple? Bah, Mathieu Gaborit fait partie de... les auteurs sont légèrement défrayés. Et oui, il y a des personnes comme moi qui sont complètement fanboy et qui vont le voir comme un crétin. Et oui, bon... Ça, les auteurs sont donc. Mais en fait, Mathieu Gaborit, oui. Mais... Mathieu Gaborit, oui. En fait, ça dépend des auteurs. Oui, effectivement. Les ombres d'Estérène, par exemple. Les ombres d'Estérène, ils ont été. Non, parce qu'ils venaient en exposant, c'est ça? Alors, non, ça c'était. Tiens donc. Oui, voilà, c'est des départements de sombre projet. Et après, il n'y a pas eu réellement non plus d'invités dans le cadre. Enfin, c'est plutôt de la volonté des exposants de venir. D'accord. Et qui venaient à leurs frais. Et je ne crois pas qu'il y ait eu de défraiement. Sam. La réalité, enfin, si je ne m'abuse, c'est jusqu'à présent, les organisations des Utopiales n'ont jamais mis à disposition du pôle ludique une enveloppe pour pouvoir inviter les auteurs. Ah. Après, on n'en sait rien. Adelaide. Oui, effectivement, il n'y a pas eu d'enveloppe a priori mise à disposition, mais est-ce que ça a déjà été demandé? On n'est même pas sûr que ça a déjà été demandé. Okay, donc effectivement, si on veut faire venir des gens du monde l'année prochaine, on posera la question, est-ce qu'il y a possibilité? Et là, on sera en mesure de répondre si effectivement il y a un blocage ou pas. On n'en sait rien. C'est pour ça que je soulève le sujet, parce qu'à ma connaissance, ça avait été soulevé il y a quelques années pour inviter Mathieu Gaborit pour parler de jeux de rôle. Mmh. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour inviter Mathieu Gaborit pour parler de jeux de rôle, mais il y a de l'argent pour inviter Mathieu Gaborit pour parler littérature. Alors, ouais, pareil, je vais nuancer dans le sens où c'était à une époque où le responsable, on n'est pas sûr que le responsable ait remonté l'information à notre, plus haut. D'accord, ok. Kevin après, était là à ce moment-là. Oui, à cette époque-là, oui, je me souviens qu'on n'est jamais sûr en fait si l'information est remontée tout en haut des personnes qui ont l'argent réellement pour inviter les gens, parce que des gens invités, il y en a. Hein, et je sais que voilà, par exemple, l'invité qui a fait l'affiche cette année, il vient de la Nouvelle-Zélande. Bon, voilà, ça fait rien que le trajet. Bon, boum, 3 000 euros d'avion. Mmh. Donc de l'argent, ça, je pense que si on a vraiment un projet qui est construit cette année, si on présente quelque chose de sérieux avec une espèce de dossier de presse pour vendre notre loisir à l'organisation des Utopiales, sans que ce soit non plus, à mon avis, je pense pas que ce soit totalement infaisable. Je pense que c'est largement à notre portée. On peut avoir des invités défrayés pour qu'ils viennent. Même faire à même titre que des auteurs de littérature standard. Mon cher Yann. Ouais. Et puis l'autre question, c'est de le mettre, de le faire en avant, quoi. Enfin, si c'est donné 3 semaines avant les Utopes, on s'est réunis il y a un mois et on s'est dit, ce serait bien d'inviter Mathieu Gaborit. Un mois avant, c'est bouclé, quoi. Tous les invités, ils sont terminés. Le programme, il est déjà fait. Donc, faut faire ça. Avant l'été ou juste avant la rentrée et voilà, enfin Adélaïde, il y a le côté vraiment sans. Alors, c'est, encore une fois, il faut pas prendre ça comme des attaques vis-à-vis des organisateurs ou quoi que ce soit. Oui. Moi je pense que c'est une manière générale dont on voit le jeu de rôle en France aujourd'hui et dont les festivals de ce type-là voient le jeu de rôle en France aujourd'hui qui vous oblige à faire toutes ces démarches. Non, je pense, je suis pas sûr que Bernard Pivot il ait à faire toutes ces démarches pour inviter ses auteurs. Excusez-moi, mais voilà, il y a un délai. Mais c'est pas de ta faute. En ce qui concerne, non, mais je prends pas pour moi. Je veux bien préciser parce oui, que. Oui, non, mais en ce qui concerne Mathieu, enfin les projets, on les a toujours, on les prépare effectivement. En juin, on a nos premières réunions. Enfin, je parle d'avant. Oui. On les prépare, on présentait les. Notre première réunion était convoquée en juin, donc nous d'accord. On commençait à travailler à ce moment-là. Donc nous, on pouvait pas faire remonter l'information plus vite vu qu'on nous demande. On nous demandait des informations qu'en juin. Je rappelle d'accord. Juste que le festival est début novembre, ça fait donc à peu près. Ouais. Mais après, il y a des invités qui sont pas forcément pareil. Il y a eu deux fois John Lang qui est venu avec Lena Alban. Ils sont venus deux fois. Alors je sais, c'est pas forcément directement lié au jeu de rôle, mais quand même, enfin. Si, moi, je trouve que ça, voilà, ça touche quand même beaucoup le public rôliste. Après, on est pour, on c'est est contre. C'est quelque chose qui a démocratisé. C'est quand même qui a quand même démocratisé le jeu de rôle. Après, on. Ça vulgarisé. Le créateur aussi des loups-garous de Tiercelieu aussi, me semble, qui était venu il y a deux ans, qui était invité, plusieurs confs. C'est un Nantais en même temps, où il est de la région. C'est un Nantais, il est du département, je ne sais pas si exactement Nantais, mais il est du département. Donc, je sais. Vous avez bien compris que moi, je suis venu avec mes gros préjugés, j'ai mis ma sandale sur vos têtes. Faut toujours faire le naïf de toute façon. Et bien sûr, pour tester, pour éprouver un petit peu, on sent bien ici que vous avez mis la patate et tout sur le truc. Et d'ailleurs, ça se sent même dans les articles qu'on lit, les retours que vous pouvez donner ou ce genre de choses sur les forums, qu'il y a eu vraiment, vous êtes motivé, qu'il y a des bons retours. Moi, ce que je condamne plutôt, c'est ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire l'organisation au-dessus. Qu'attendent-ils ces bénévoles pour venir vous voir et vous féliciter de votre travail et vous dire la prochaine fois, on fera mieux pour vous. C'est ça le truc. Non, c'est vrai que oui, ça pour nous, ça a vraiment été pendant quelques années. C'est vrai qu'on était complètement inexistant au niveau des remerciements. Ça, voilà. Totalement. Et je veux dire, ça, je vais pas. Mais encore voit. Une fois, ça se voit sur le. Encore net. Une fois, c'était. Cette année, on a été remercié sur scène, tout le pôle ludique. On a eu l'okay. Alors. Donc Corentin dit on s'est remercié. On a eu l'occasion de se remercier. Non, ça a été. Il l'a fait avant. Ah oui, tu veux dire le responsable de la section jeu a quand même remercié tout le monde. Mais si on veut aller là-dedans, c'est clair que par exemple, donc la soirée samedi soir, merci aux 50 bénévoles des Utopiales. Il y a une centaine de bénévoles, toutes sections jeux confondues, qui sont oubliés dans ces remerciements. Moi, là, tu touches le point sensible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que le jeu de société, on doit quand même essayer de faire en sorte qu'il ait un rayonnement qui soit un petit peu supérieur à celui qu'on lui donne aujourd'hui. Le festival des Utopiales est à la croisée des chemins, ça semble être un élément intéressant pour le faire. Et finalement, moi, de l'extérieur, tout ce que je vois, c'est qu'en fait, on les a mis dans un coin et puis on a dit, bon, bah, jouez bien, les gars. Nous, pendant ce temps-là, on fait nos trucs sérieux, notre littérature et notre science-fiction. Parce que Yann. Tu préférerais qu'on fasse ça sur l'espace Chaol, qui est la grande halle, et puis qu'on fasse des tables rondes, des jeux, tables de jeux de rôle. Mais moi, je souhaiterais voir John Grumpf à côté de Mathieu Gabory. Je souhaiterais voir pourquoi est-ce que on n'entend pas les mêmes d'autres théoriciens du jeu de rôle, des Frédéric Saint-Est par exemple, pourquoi ils ne sont pas à côté de je lâche plaide un peu pour ma paroisse, mais moi je comprends pas que ce préjugé sur le jeu de rôle subsiste dans des grands festivals comme parce comme qu'il faut que les gens proposent cette invitation peut-être si c'est jamais fait en fait. Ça sera jamais organisé. Je pense quand même que les propositions existent, mais bon voilà. Est-ce que vous je vous pose la question parce que moi j'arrive avec mes gros préjugés. Mais vous, est-ce que vous pensez vraiment que le jeu de rôle a sa place finalement dans un festival de science-fiction, de littérature? Est-ce que oui ou est-ce qu'il doit pas finalement, est-ce que il y en a pas parmi vous qui pensent que finalement il est bien là, il est à sa place, c'est que du jeu? C'est à nous de le faire évoluer et c'est ce qu'on est en train de faire, donc justement pour être comme tu disais, on va pour proposer des animations, des invitations. Maintenant c'est un travail qu'on essaye à faire quand même depuis quelques années. Kevin peut en témoigner et puis Corentin aussi. C'est pas forcément évident aussi parce qu'il faut que les bénévoles aussi derrière, il y a un gros travail des bénévoles, donc ça prend du temps et je pense que là, on est vraiment en bonne voie pour faire évoluer les choses. D'accord, Corentin. Reste à voir maintenant, il faut que on soit écouté, qu'on se comprenne et que la chaîne d'information soit claire. Donc pour vous, c'est un présupposé, le jeu de rôle doit être au niveau de la littérature et de la science-fiction, sans souci. Le jeu en général. Le 10e art. Voilà, on est d'accord. Donc Sam, tu voulais... Moi, je suis pas sûr que ce soit la place du jeu de rôle. Ah, voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il a sa place finalement Je pense qu'il a sa place telle qu'elle est là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est présenté de manière annexe, qui, je le redis, pour moi, est là un petit peu pour les organisateurs pour faire du remplissage, parce que le ludisme, ça leur fait de ça, ça les dépanne bien, parce que ça crée de la vie, ça crée. Attention ça à ton crée micro. De la basse. Je fais attention à mon micro. et que par contre, si on revient aux essences de Zootopia, c'est un festival de scientifiques, de littérature scientifique. Ouais. Ça a dérivé sur la science-fiction, etc. Après, je suis pas sûr que le jeu de rôle a vocation à prendre la place telle que tu l'as décrit. Le fait qu'on lui offre un léger espace de vitrine me paraît intéressant et agréable. Et je pense effectivement qu'on en tire peut-être pas suffisamment bénéfice pour les raisons qu'on a décrites. D'accord. Mais par contre, je suis pas sûr qu'il faudrait le mettre là où tu as proposé de le mettre. Ouais. Selon toi, ça doit rester... Les gens qui font du bruit dans le couloir, donc je les sens. Non, pas forcément, mais comme je disais, je vais essayer de récapituler. Ouais. Je pense que la présence du jeu de rôle n'est pas essentielle aux Utopiales. Ouais. Que les Utopiales, c'est un grand festival qui a offert une vitrine au jeu de rôle dont il faut savoir profiter. Ouais. Mais que si à un moment, dans la région nantaise, on a envie d'avoir un grand espace pour le jeu de rôle, il faudra organiser quelque chose et pas... forcément s'appuyer sur les Utopiales pour le faire. D'accord, ok. Tu veux intervenir, Kevin ? Je pense que ouais, c'est à peu près sa place. C'est-à-dire qu'on a une opportunité qui est actuellement assez mal exploitée pour différentes raisons de communication. On ne va pas revenir là-dessus. Pense qu'on peut au mieux... Il y a un boulot de fou qui est fait quand même. On va relativiser parce qu'on pourrait croire qu'on est en train de taper sur les organisateurs des Utopiales. Il y a quand même un travail de malade qui est fait et de manière totalement bénévole. On reviendra là-dessus. Je pense que nous, actuellement, c'est pareil, on n'exploite pas pleinement. Je pense qu'on peut prendre un peu plus de place parce qu'il y a de la place qui dans la Cité des Congrès n'est pas totalement utilisée. Je pense qu'il y a des trucs qui peuvent encore, sans que ça gêne les Utopiales, honnêtement. Il y a des salles annexes qu'on pourrait servir pour augmenter un peu, mais surtout mieux communiquer dessus, mieux l'exploiter. Mais je pense qu'on peut pas prendre, on n'a pas les festivals des Utopiales n'a pas la vocation à avoir la moitié du truc dédié aux jeux de rôle. Non, bien sûr. Je pense qu'actuellement c'est on va dire c'est 10%. Non, mais au moins que dans la, c'est vrai que dans la brochure de présentation il y a au moins 5 pages sur jeux de rôle, ça me semble parce qu'il y en a 5 sur le cinéma. Donc Yann, tu voulais relativiser Pour rebondir sur ce que tu disais, Kevin. Si c'est une question de place, moi je pense que c'est pas possible. Bon, attention à ton micro. Parce que du coup, la Cité des Congrès, c'est un endroit assez fantastique pour un événement culturel. Mais du coup, sincèrement, le moins de mètres carrés est exploité à son maximum. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas un endroit où. Où il y a une salle qui sert à rien en fait. Il y a des salles qui peuvent paraître vides, mais en fait elles sont disponibles pour les traducteurs pendant les conférences, ou elles sont disponibles pour des bureaux, pour des interviews. Ouais. Et après, comme tu disais tout à l'heure, l'organisation fait un travail de fou toute l'année. C'est ne serait-ce que pouvoir inviter autant de monde. De façon internationale, sur autant de domaines, c'est vraiment impressionnant. Mais c'est toujours d'une très bonne qualité. Mets-toi à ma place, pour moi c'est d'autant plus frustrant que je m'aperçois qu'en fait le jeu de rôle c'est le parent pauvre. Mais encore une fois, c'est peut-être une erreur de communication, etc. Mais c'est je m'aperçois que c'est le parent pauvre de cette... Alors que pour moi le jeu de rôle il brille là. Parmi ses scientifiques et ses littéraires, il n'a pas à rougir. Je pense qu'il rougit pas. C'est un avis très engagé. Je pense qu'il a une grande place dans les Utopes. Je vois pas en quoi ce serait le parent pauvre. Je sais pas moi. Est-ce qu'on pourrait dire que la sculpture est le parent pauvre de la Talente, parce qu'il y en a une fois tous les deux ou trois ans. Si c'est le cas sur le terrain, Yann. Pas de souci, c'est le cas sur le terrain, c'est ce que tu dis et c'est cool, super, je suis super content. Et justement, je pense que tu dis vrai, mais force est de constater qu'au niveau de la communication, ça suit pas quoi. C'est... Oui, mais la communication n'est pas le monde. Ok, très bien, bravo. Ouais, impeccable. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter sur tout ça, ou c'est bon, on a fait le tour, on peut Oui, pour moi, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je ne suis pas un chauvin nantais qui est le seul à affirmer que les Utopiales ont un rayonnement international. En tout cas, merci à Loïs d'avoir pu nous permettre d'enregistrer ce podcast avec vous tous. Merci d'être venu. Ça nous fait très très plaisir de discuter justement de la place du jeu de rôle au sein d'un festival aussi grand que les Utopiales. Merci encore à tous les organisateurs et les bénévoles qui ont participé à cet événement. Et puis, voilà, comme quoi le ressenti sur Internet n'est pas forcément le bon sur le terrain. Hein, c'est ce que nous a dit Yann pendant tout ce podcast. Allez, qu'est-ce qu'il y a, Corentin ? Tu voulais rajouter quelque chose ? À nuancer quand même. À nuancer quand comme même. On l'a dit tout à l'heure, hein, les remerciements, la présence dans les tables rondes, oui, des auteurs qui sont des rôlistes, mais qui n'en parlent pas plus que ça. Enfin, voilà, il y a de l'optimisation, il y a encore du chemin à parcourir, mais il y a quand même du travail de fait. Voilà. Il n'y a pas rien. Allez, à bientôt tout le monde. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir. Ciao. Au revoir.